Sans parler de business, là je suis venu tout détailler. Vous voyez, pas là pour vous plaire, à qui que vous soyez, je vais saigner. La prod, j'ai le cul, les mains propres. On m'a dit ouvre un peu ton cœur, qui fait la gueule quand on approche. Gros, les gens nous mentent et moi j'attends le dénouement. J'ai vu plein de fils de pute quand j'ai rêvé de mon enterrement. La terre tremble et l'être humain se dégrade, je t'ai pas dit. J'ai vu des poteaux de quartier devenir des schlags, des caddies. On se tracasse, on veut des faf, une piscine. Cache le fusil à papa car ça clash dans la cuisine. Ici c'est le bordel, mais on s'y habitue. Symptômes, crise de nerfs, traitement de choc, l'habitude. Les yeux doutent, la vie dure, ça, les vrais durs savent. Business, toxico, chômage, procédure sale. C'est pas si grave, va sur Facebook, c'est la merde. On aime des putes en Louboutin, partage des gosses dans la merde. Je veux tout péter sur un coup de tête comme Depardieu, gros. Ça pèse à 3, range plus en rang de par deux, de partout. Y'a des tasses, on a plus le droit de mettre des gifs devant les anges de la télé. C'est le chétan qui les griffe, gros. Des ânes qui les briefent avec l'échec en échange. Ça, bicrave son cul pour un chèque alléchant. Sale, je donne des leçons alors que c'est le fils qui m'enterre. Se penchant pour la poisson, elle qui a détruit mon père. Après la tétaille, j'oublie que je suis endetté, gars. Quand je galère, tu bégayes, garde ta maille et dégage. Guette bien tes gars, c'est ta meuf à la cote, hein. Retiens la leçon, ce gars qui borne n'a plus de copain. La vérité, moi, c'est que j'ai peur pour ma fille. Quand c'est la fête, on s'enferme avec des doutes pour amis. La porte est ouverte, je vais cracher toutes mes peines, coup c'est bête. Mon salaire ne survit plus à toutes ces dettes, c'est dead. On se tue à la tâche, on voit la chance de près. L'amour se fâche devant 50 nuances de gris, c'est grave. Tout est crade, des péchés qui se tassent tous au bord du précipice. Mais on veut voir ce qui se passe, couze. Je suis un bâtard avec les gens que j'aime le plus. Le chétan prend l'avion quand les anges prennent le bus. Fais des passes à tes potes, guette l'impasse, on déconne. On piave, roule des connes, on s'égare, tu m'étonnes. Sur ma tête, faut raser la maquette. Repartir à zéro en supprimant la plaquette. J'aime quand ça pète, bosse des cesses de partout. C'est pour ceux qui claquent les pannes sur un partouche, pardon. J'suis mal payé donc j'baisse mon pays. Paraît que les bombes pètent, ça pompe sec jusqu'à Pompéi. J'obéis, plus zinc, j'fais plus d'efforts. Bien le bisou, prod de baiser, mais ça arrête en pleine forme.